maman. EDF. Vous sentez cette bonne odeur de linge propre? Ah, bah non, évidemment. Mais faites-moi confiance, ce linge est propre. Mais surtout, lavez en décalé, puisque j'ai évité de faire ma lessive en rentrant du travail, en même temps que tout le monde, quoi. Ça ne change rien à son odeur, mais ça change tout pour le système électrique. Ça fait partie des gestes utiles EDF. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes-utiles. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le procès d'Adolf Eichmann en Israël en 1961. Hier, nous avons raconté la traque de l'architecte de la solution finale, kidnappé en Argentine par le Mossad. Aujourd'hui donc, nous nous intéressons à son procès. Plus que le procès d'un homme, d'un criminel hors norme, c'est celui de l'Holocauste, de la solution finale dans son ensemble. Événement judiciaire monumental, il s'étale sur plus d'un an. Accueille près de 500 journalistes, 111 témoins, 15 chefs d'accusation et expose des milliers de pages d'interrogatoires. C'est aussi le procès de toutes les premières fois, le premier capté par les caméras et diffusé dans le monde entier, le premier et seul procès de criminels nazis qui ne se soit jamais tenu en Israël, et le premier qui permet à des rescapés de la Shoah de venir témoigner à la barre. Un événement médiatique, politique et historique sans précédent. Un événement fondamental dans la construction de l'identité d'Israël et d'une mémoire collective de l'Holocauste. Notre invitée aujourd'hui, Annette Gavorka, historienne, spécialiste de la Shoah, directrice de recherche honoraire au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur des archives. Son ouvrage « Tombeau, autobiographie de ma famille » paru en septembre dernier aux éditions du Seuil a été couronné par le prix Femina Essai. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Juliette Proutot, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Koum. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Des fossés qui traversent le camp ont retiré chaque jour des cadavres. Les fours crématoires ne chômaient ni jour ni nuit. Et le cycle recommençait avec l'habillage des nouveaux arrivés. Adolf Eichmann, plaidez-vous coupable ou non coupable au sixième chef d'accusation? Selon les termes de l'accusation, non coupable. Ils sont nombreux à s'être déplacés en ce lundi 11 avril 1961. Certains sont arrivés très tôt pour être sûrs d'avoir une place dans le public. La salle d'audience est pourtant gigantesque, à la hauteur des enjeux qui vont l'habiter pendant des semaines. C'était une salle de spectacle à Jérusalem, la maison du peuple de la ville, qu'on a transformée en tribunal, tout un symbole. Une transformation qui a nécessité beaucoup de travaux, notamment pour créer une salle de presse à destination des 450 journalistes, écrivains et autres historiens qui veulent assister à l'événement. Et des pointures, comme Anna Arendt, Joseph Kessel ou Elie Wiesel. La couverture médiatique est littéralement extraordinaire. Mais pour le moment, en ce tout début de matinée, l'accusé n'est pas encore là. La cage est vide. Cette fameuse cage de verre, d'environ 3 mètres de haut, sur 2 de large, qui deviendra vite indissociable de son occupant. D'ailleurs, elle a été conçue pour le protéger de la colère et de la haine qui pourraient surgir du public. Il suffirait d'une étincelle pour que l'exercice de justice, si douloureusement et patiemment construit, se transforme en pugilat vengeur. Une fois le public et les journalistes installés, place aux acteurs judiciaires. Les trois juges, dont le président Moshe Lahando, se placent face au public, au centre de l'estrade. Les greffiers, huissiers et autres auxiliaires de justice s'installent à leur côté. Le procureur général Gideon Hausner et ses nombreux collaborateurs s'assoient derrière une rangée de bureaux, à droite de la salle, tandis que maître Servatius, l'avocat de la défense, se place sur la gauche. Puis vient l'accusé. Il entre par une porte derrière la cage de verre. Son arrivée électrise toute la salle. Une tension vive, puissante, envahit la pièce. Après la lecture des 15 chefs d'accusation, dont ceux de crimes contre l'humanité et crimes contre le peuple juif, la parole est donnée au procureur Hausner. Le réquisitoire qu'il livre contre Adolf Eichmann restera dans les mémoires. Devant vous, juge d'Israël, pour mener l'accusation contre Adolf Eichmann, je ne suis pas seul. À mes côtés se trouvent en ce moment 6 millions de procureurs. Ils ne pourront pas se lever, pointer un doigt accusateur sur cette cage de verre et proclamer au sujet de cet homme qui se tient là-bas: j'accuse. 6 millions d'accusateurs, il faut prendre la mesure. La formule de Gideon Hausner frappe, transperce et surtout donne le ton. De l'ampleur, de l'envergure immense qui se joue dans ce procès. Pour comprendre la teneur des enjeux qui entourent cet événement historique, il faut revenir presque un an en arrière, le 20 mai 1960, exactement le jour où Adolf Eichmann a quitté l'Argentine, direction Israël. Après presque 15 ans de fuite, l'ancien officier SS, responsable notamment de toute la logistique de la solution finale, est kidnappé par les agents du Mossad, à Buenos Aires. 3 jours après, David Ben-Gourion, premier ministre israélien, annonce publiquement l'incroyable nouvelle. Nous sommes le 23 mai 1960. Les forces de sécurité israéliennes ont découvert très récemment l'un des plus grands criminels de guerre nazis, Adolf Eichmann, l'homme qui a inventé et réalisé la solution définitive à la question juive, c'est-à-dire l'extermination de 6 millions de juifs européens. Adolf Eichmann sera bientôt jugé en Israël selon la juridiction prévue à l'encontre des nazis et de leurs collaborateurs. L'annonce de l'arrestation d'Eichmann surprend et bouleverse le monde entier. Mais cette annonce pose aussi des difficultés juridiques. Le Mossad a kidnappé un ressortissant allemand en se rendant illégalement sur le sol d'un pays étranger. Et puis, Israël peut-elle s'approprier le droit de juger un Allemand dont les crimes ont été commis sur le territoire européen ? Un journaliste qui soulève cette question, sensible, Ben-Gourion répond sans embâge. Que le monde sache, Eichmann sera jugé en Israël par un tribunal purement israélien et selon la loi israélienne. Nous ne lâcherons pas notre proie. En revanche, nous donnerons à ce criminel de guerre toutes les garanties d'un procès équitable. Au regard du tribut payé par le peuple juif, la légitimité politique d'Israël quant à l'organisation de ce procès ne saurait être remise en cause. L'attente de la population juive est immense, composée d'une multitude de sentiments magnifiquement traduits par l'auteur juif italien Primo Levi dans sa fameuse lettre ouverte adressée à Adolf Eichmann le 10 juillet 1960. Il écrit: pour Adolf Eichmann, en liberté, le vent parcourt nos plaines. Éternelle, la mer palpite sur nos plages. Nous fécondons la terre, et la terre nous donne et des fleurs et des fruits. Nous vivons dans la peine, nous vivons dans la joie, dans l'espoir, dans la crainte. Nous engendrons l'enfance et la tendresse. Et enfin te voilà, ennemi précieux. Créature déserte, homme de mort cerclé. Que diras-tu maintenant face à notre assemblée? Jureras-tu au nom d'un dieu? Oui, mais lequel? Sauteras-tu allègrement dans la tombe? Ou bien te plaindras-tu, comme se plaint celui dont la vie fut trop brève et l'art si long, de ton labeur sinistre, de l'œuvre inachevée, des 13 millions qui sont encore en vie? Nous ne te souhaitons point la mort, fils de la mort. Puisses-tu vivre plus longtemps que jamais homme ne vécut. Puisses-tu vivre sans sommeil 5 millions de nuits. Et vivre chaque nuit les affres de chacun de ceux qui ont pu voir se refermer sur eux la porte qui ôtait tout espoir de retour. Se refermer sur eux les ténèbres, tandis que l'air qu'ils respiraient se saturait de mort. L'air qu'il respirait se saturait de mort. Les mots de Primo Levi ont bien sûr une portée particulière quand on sait l'écrivain rescapé d'Auschwitz. Or, en 1960, en Israël comme ailleurs, la parole des survivants de la Shoah est encore tabou. Et c'est précisément cet interdit, cet indicible, que va venir lever le procès de Jérusalem. Car le gouvernement israélien entend faire de cet événement un espace protégé pour permettre la libération de la parole des rescapés de l'Holocauste. Ou plutôt, peut-être s'agit-il, comme souvent, de forcer l'attention, de faire qu'on écoute. Car personne ne veut entendre l'indescriptible horreur de celles et ceux qui ont expérimenté dans leur chair et par leur sang les camps, les camions, les tueries, les humiliations. Parce que la souffrance est insoutenable et parce qu'Israël, dont l'existence est déjà menacée, tente de construire sa jeune identité sur des valeurs de courage, sur des personnages héroïques et pas sur des récits de victimes, de rescapés. Daniel Haïk, journaliste israélien, spécialiste de la question, explique ainsi sur la chaîne I24 News la façon dont les survivants de la Shoah sont perçus en Israël. On est 15-16 ans après la fin de la guerre. Il faut comprendre que dans la société israélienne qui se forge, eh bien, les sabras, les originaires, ceux qui sont nés sur la terre d'Israël, ceux qui ont combattu également pendant la guerre d'indépendance, eh bien, avaient tendance à considérer les rescapés de la Shoah comme, d'une certaine manière, des gens qui s'étaient laissés mener dans les chambres à gaz, comme des moutons se laissent aller à l'abattoir. Et d'une certaine manière, il y a très peu de respect pour eux. C'est précisément pour changer cette perspective, pour intégrer les rescapés au récit national israélien, que le gouvernement de Ben-Gourion décide qu'en plus des très nombreux documents disponibles, les témoignages vont constituer la pierre angulaire du procès Eichmann. Oui, oui, c'est avec eux qu'Israël veut capter l'attention. Le procès se tient à Jérusalem, devant des juges et un procureur israélien, mais il s'adresse au monde entier. Au-delà d'être un immense procès, il devrait être mondial. C'est pour cette raison que le premier ministre israélien se laisse convaincre par le producteur juif américain Milton Fridman de permettre non seulement la captation des audiences, mais aussi leur diffusion quotidienne à l'international. La caméra, le pouvoir des images, permet de compenser la distance, de révéler les détails des visages, des réactions, des émotions, et de construire un matériau pédagogique de transmission aux futures générations. Ce qui s'est passé à Lyon d'ailleurs, près de 30 ans plus tard, avec le procès Barbu. Toutefois, en 1960, la captation et la diffusion du procès représentent un défi technique affolant, notamment quand on sait qu'aucune habitation d'Israël ne possède de téléviseur à l'époque. Et puis il y a une autre difficulté. Fridman et son réalisateur Léo Hurwitz doivent convaincre les juges de se laisser filmer. Difficulté racontée par le réalisateur Paul Williams dans une scène de son film « Eichmann Show ». Comment ça se présente ? Très bien, on trouvera un moment pour en parler. Venez, je vous présente David. Léo, j'aimerais vous présenter notre avocat, David Arad. Vous avez un problème ? David le réglera. La plupart du temps, les problèmes peuvent se résoudre en comprenant la position de l'autre. Le souci avec les juges... Milton, il y a un souci avec les juges. Comme vous savez, nous avons un contrat avec le gouvernement israélien pour filmer le procès. Mais il y a une condition. Les trois juges en charge doivent nous donner leur permission. Et ils n'ont pas donné leur permission ? Hier, ils sont venus inspecter les caméras. Et alors ? Alors, ils les ont trouvées trop bruyantes et trop visibles. J'ai fait un voyage de 8800 km et vous n'avez pas l'autorisation de filmer ? Pour l'instant. Pour l'instant. Pour convaincre les juges et permettre la captation du procès, l'équipe de production propose une solution radicale. Dissimuler les quatre caméras à l'intérieur des murs du tribunal. Oui, juste une fente qui laisse juste assez d'espace pour l'objectif, cachée par une légère grille qui reflète la lumière, garantissant ainsi l'invisibilité complète. Des câbles sont tendus par-dessus les toits, entre la salle d'audience et la salle de contrôle tout juste construite. Durant les semaines qui précèdent le procès, d'autres câbles sont tirés dans tout Jérusalem pour permettre une transmission sonore quotidienne en direct dans des haut-parleurs installés partout dans la ville. Ainsi, le 11 avril 1961, le pays est prêt pour accueillir, selon les mots de Ben-Gourion, le Nuremberg du peuple juif. Ce qui est intéressant, c'est que la culpabilité de l'accusé n'est pas la question centrale du procès. Non, c'est ce qu'il incarne face au récit des survivants qui importe. Et en ce premier jour d'audience, c'est bien l'homme que tous sont venus voir. Alors, quand Adolf Eichmann arrive dans la salle du tribunal en ce premier matin, tous l'observent en tentant de comprendre. Qui est-il? Comment devient-on l'organisateur de l'Holocauste? Pourquoi? Par zèle? Idéologie? Est-il le fonctionnaire d'une administration monstrueuse ou un fanatique? De prime abord, Eichmann est presque décevant en son physique, sa posture, son commun. Une apparence qui ne renvoie aucun charisme ou autorité particulière chez cet homme au front dégarni, lèvres serrées mais d'une incomplet noire, d'une cravate foncée sur une chemise blanche et de ses grosses lunettes en écaille, le parfait rond de cuir. Le célèbre chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher, envoyé spécial pour le RTF, résume le personnage et les charges qui pèsent contre lui en ce début de procès. Cet homme seul qui nous apparaîtra entre deux policiers dans une cage de verre dressée au centre du prétoire du tribunal régional de Jérusalem, Adolf Eichmann, âgé de 55 ans, est peut-être le plus grand criminel qu'un tribunal ait jamais été appelé à juger. Eichmann a plus de 6 millions de morts sur la conscience. Génocide, il est accusé de crimes envers le peuple juif en participant à des millions de meurtres commis dans des camps d'extermination établis et organisés dans le but d'effectuer des assassinats massifs. Crimes contre le peuple juif encore, au moyen de concentrations locales et de déportations massives, effectuées dans des conditions inhumaines en Allemagne et dans d'autres pays de l'Axe, ainsi que dans les zones occupées par ceux-ci, dans 18 pays européens. Le président du tribunal, le juge Landau, commence par énoncer les 15 chefs d'inculpation. Et pour chacun d'entre eux, il demande à chaque fois « Plaidez-vous coupable ou non coupable ?» Ce à quoi, à chaque fois, l'accusé répond, debout dans sa cage de verre, au vu de cette formulation « non coupable ». Et à chacune de ces réponses, le silence se fait plus pesant dans la salle. Après avoir entendu Gideon Hausner, le procureur général qui évoque les 6 millions d'accusateurs, c'est au tour de Robert Servatius, l'avocat d'Eichmann, de prendre la parole. Il souligne, et il s'agit d'un point central de sa défense, l'illégitimité du tribunal, rappelant à la fois les conditions de capture de son client et surtout l'impossibilité pour les juges israéliens, en tant que juifs, de juger de façon impartiale l'homme qui se tient devant eux. Le président Landau, dont tous souligneront ensuite l'exemplarité, la probité durant le procès, lui répondra que ce tribunal n'a qu'un seul objectif, servir le droit. Avner Less, l'enquêteur qui a interrogé Eichmann durant sa détention, est l'un des premiers témoins. À la barre, il décrit les informations que l'accusé lui a fournies sur ses fonctions au département des affaires juives. Des extraits des interrogatoires sont diffusés. Le public et les juges comprennent alors que la ligne de défense de l'accusé revient à minimiser systématiquement ses responsabilités. Il n'était en charge que de l'organisation du transport. Son objectif était simplement de faire rouler des trains en suivant les ordres émanant de sa hiérarchie. Autrement dit, un petit rouage d'une terrible machine plus grande que lui, contre laquelle il ne pouvait rien, fait-il comprendre. Telle est bien la posture d'Eichmann pendant l'interrogatoire. Elle le sera durant tout le procès. Mais parfois, sous son apparent détachement, un soupçon d'arrogance se détache. Quant à la fin de la déposition d'Avner Less, le président demande à l'accusé s'il a quelque chose à ajouter. Celui-ci répond, sarcastique, « Non, si ce n'est que je dois faire l'éloge de la police israélienne et de l'implication toute particulière du commissaire Avner Less, tout comme j'ai pu le faire par le passé en tant que fonctionnaire du Troisième Reich. » Cette morgue froide ressort aussi quand on lui parle de son rôle lors de la conférence de Wannsee en juin 1942. La participation d'Eichmann à cette réunion est un point fondamental dans l'accusation. Car c'est là, à Wannsee, que le constat est établi, selon lequel les fusillades de juifs, ce qu'on appelle aussi la Shoah par balle, constituent des procédés à la fois trop coûteux, trop pesants pour le moral de soldats et trop lents. C'est donc à Wannsee que vient l'idée d'une solution unique, rationaliser les processus d'assassinat pour parvenir à un anéantissement plus efficace. Autrement dit, utiliser le réseau ferroviaire pour déporter les juifs de toute l'Europe et les assassiner au même endroit. Et là encore, bien que présent, l'accusé se défend de toute responsabilité. On parlait de tuerie, d'élimination et d'extermination. Je devais pour ma part préparer les notes du compte-rendu. Je ne pouvais pas rester là à écouter sans rien faire, mais les mots employés m'ont frappé. La pièce n'était pas grande au point d'ignorer les mots qui ont été utilisés. Je pensais que cela faisait partie de la réunion officielle. C'était effectivement dans la partie officielle, Votre Honneur. Mais la partie officielle, si vous voulez, se divisait en deux parties. Durant la première, tout le monde se taisait et écoutait, et puis à la fin, tout le monde s'est mis à parler en même temps. On ne cessait de remplir nos verres de cognac et d'autres boissons, sans pour autant que l'alcool... Est-ce que cela veut dire alors que les méthodes de tuerie étaient un sujet sans importance ? Ah, les méthodes de mise à mort ? C'est de cela dont nous parlons. Non, non, cela n'en faisait pas partie. À ce moment-là, y a-t-il eu des discussions sur l'utilisation des gaz létaux ? Non, pas par le gaz. Alors comment ? Il y avait des discussions sur l'utilisation des moteurs, sur les fusillades par exemple. Je n'ai pas entendu parler de gaz, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Il y a eu une discussion sur les différentes méthodes et solutions possibles à ce sujet. Meyer, chef du département, et le secrétaire d'État, le docteur Bühler, ont exprimé l'avis que des travaux préparatoires dans le cadre de la solution finale devaient être effectués immédiatement et dans toutes les régions concernées, mais que ce faisant, il fallait éviter d'alarmer les populations. Quel genre d'opérations ont été discutées ? J'avais déjà vu des travaux préparatoires dans le district de Lublin, où deux cabanes étaient hermétiquement fermées au cours de ma... Nous avons déjà entendu cela. Je veux savoir ce qu'il s'est passé au cours de cette conférence. Aujourd'hui, je ne m'en souviens plus. Eichmann l'affirme. Non, il n'était pas un dignitaire nazi. Non, il n'incarne pas le système, il n'est qu'un rouage. Mais pour l'accusation, pas question d'en rester là, de le laisser se dérober systématiquement. Le tribunal veut l'obliger à s'expliquer autrement qu'en rejetant la responsabilité sur ses supérieurs. Lui, Adolf Eichmann, que pensait-il de l'extermination des Juifs d'Europe ? S'éloigner du fonctionnaire pour se concentrer sur l'homme. En tant qu'homme, donc, que pense-t-il aujourd'hui de ce qui se passait dans les camps de concentration ? Au cours d'une audience, le juge Landau l'amène aussi à parler de Rudolf Höss, l'ancien commandant d'Auschwitz jugé à Nuremberg. Le juge demande une première fois à Eichmann s'il considère Höss comme un criminel, s'il estime que les actions de cet homme sont de nature criminelle. Autrement dit, si le fait de gérer un camp d'extermination représente à ses yeux un crime. Et alors qu'Eichmann continue de se dérober, le ton monte avec le juge qui finit par hausser la voix en appelant à la conscience de l'accusé pour le contraindre à répondre. Considérez-vous Höss comme criminel, oui ou non ? Un homme peut subitement se retrouver dans une situation qui lui fera perdre la tête au point de se saisir de son arme. La manière dont un individu réagit à cela dépend de chacun. Je peux seulement dire comment moi j'aurais réagi. Ce n'est pas mon rôle de juger le comportement d'une personne qui aurait reçu un tel ordre, car ces questions dépendent de la conscience de chacun. Ainsi parla Eichmann. Les audiences s'enchaînent et les jours finissent presque par se ressembler. Les centaines de documents présentés par l'accusation, des courriers signés, des rapports, de la comptabilité, tout cela ne permet pas d'incarner ce qui s'est passé. Surtout face à un accusé froid, distant et inflexible. Alors, petit à petit, les journalistes repartent. Et la salle de presse se vide. Les diffusions du procès à l'étranger se font moins importantes. Et puis l'actualité continue en dehors de Jérusalem. En pleine guerre froide, en effet, les Russes envoient Gagarine dans l'espace. Les conséquences du débarquement dans la baie des Cochons à Cuba occupent tous les esprits. La France, elle, est encore occupée par la guerre d'Algérie. Bref, le monde se met de nouveau à détourner le regard. Oh, France Inter, Affaires sensibles. Il faut attendre les premiers témoignages de rescapés pour que les médias et le public reviennent. C'est à ce moment-là, grâce à ces femmes et à ces hommes, que le procès d'Eichmann devient le procès du siècle. Parce que c'est à ce moment-là que le monde, l'humanité, est placé comme jamais auparavant face à son histoire. En convoquant les morts, ces témoignages viennent construire un récit, celui des survivants et celui d'Israël. Ils sont à 611 à venir raconter leur vécu, leur chair violée, massacrée, l'humiliation de leurs humanités reniées. Les histoires s'enchaînent avec leur lot de détails terrifiants, monstrueux. Parmi les témoins, retenons Georges Vellers, seul Français appelé à déposer au procès. Rescapé des camps, il ne vient pas tant pour raconter son histoire que celle de la rafle du Veldiv. Et il se trouve que ses propos concernant la plus grande arrestation massive de juifs en France, dont près de 4000 enfants, marquent un tournant dans le procès. Alors ces malheureux enfants étaient complètement désorientés, désaxés. Ils quittaient les autobus en silence. Il y avait beaucoup de petits-enfants, des enfants de 2, 3, 4 ans, qui ne connaissaient même pas leur nom. Ils dormaient les uns à côté des autres par terre, ils s'agitaient, ils appelaient leur mère. Il est arrivé quelquefois que toute une chambrée de 120 enfants s'est réveillée au milieu de la nuit. Ils ne se possédaient plus, ils hurlaient en réveillant les autres chambrées, et c'était affreux. Le témoignage de Georges Vellers transforme l'atmosphère dans le tribunal. Tout à coup, tout s'incarne. L'atrocité la plus totale a désormais un visage, une histoire. Même Frédéric Potcher, toujours théâtral mais lucide, est incapable de retenir son émotion. Au-delà de l'horreur de ce qu'il racontait, c'est surtout l'absence de réaction de l'accusé qui l'accable. Il dira à ses collègues « Eichmann a quelque chose de monstrueux, d'absolument inhumain, que je suis incapable de vous décrire. Ça dépasse ce que l'imagination peut inventer. Un homme calme, correct, qui a l'air d'écouter tout ce qu'on lui dit. Mais ce qui se dit, ce sont des choses horribles. » Effectivement, les témoignages s'enchaînent et l'horreur envahit la salle d'audience. Tous réalisent la cruauté, l'imagination perverse, les atrocités de l'Holocauste. Il y a cet homme, par exemple, déporté à 14 ans dans un camp d'extermination, qui raconte comment, au milieu de l'hiver glacial, les SS le font se réchauffer à l'intérieur d'une chambre à gaz encore tiède de son sinistre labeur. Comment, après avoir vu le corps de son père déposé dans le four crématoire, on lui ordonne de récupérer les cendres pour les mettre sur la route afin d'éviter que les officiers ne glissent sur le sol gelé. Un autre témoin raconte comment, alors qu'il est chargé de décharger des cadavres d'un camion pour les enterrer dans une fosse, il découvre les corps de sa femme et deux de ses enfants. Alors qu'il s'effondre, suppliant qu'on le tue lui aussi, les soldats le forcent à sortir, le traînent jusqu'au camp et lui disent « Non, tu peux encore servir, tu as encore assez de force pour travailler. » Après les témoignages, Frédéric Potcher peine à trouver les mots pour décrire ses sentiments quand le présentateur du journal l'interroge. Information générale, le procès Eichmann. D'abord, je vais appeler notre correspondant Frédéric Potcher à Jérusalem. À vous, Jérusalem. Je sais que la formule que je vais employer a quelque chose de pompeux, de grandiloquent. Mais elle exprime parfaitement le sentiment qu'on a eu ce matin et cet après-midi. Cette formule, la voici. On voudrait, pour l'honneur de l'humanité, pour l'honneur de l'homme, n'avoir rien entendu. Rien entendu de ces récits de témoins qui ont vu les massacres de Kovno, de Vilno, des Pays-Baltes, d'Ukraine, de Pologne. Je crois impossible d'oublier. Écoutez, je cite en vrac. À Memel, les SS choisissaient leurs victimes. Le tireur était assis au bord de la fosse, les jambes pendantes. Il fumait et il tuait au fusil mitrailleur. Les corps tombaient dans la fosse. Ils les tuèrent d'abord habillés. Plus tard, avant de les exécuter, ils les firent se déshabiller. On aurait voulu ne rien avoir entendu, parce que les précisions qui jalonnent toutes ces histoires sont plus insoutenables les unes que les autres. Et puis, au-delà des témoignages, la défense prend un sérieux coup quand l'accusation fait diffuser dans l'enceinte du tribunal des interviews qu'Eichmann avait données en Argentine à un journaliste allemand, ancien nazi, lui aussi exilé. Car durant ces entretiens, Eichmann ne se présente pas comme le petit rouage sans responsabilité qu'il a toujours prétendu être. Non, il assume les actions qu'il a commises et les décisions qu'il a prises. On l'entend ainsi presque s'enorgueillir quand il explique aux journalistes comment ça s'est passé avec les Juifs, comme il dit. Quand à l'époque, comme un nouveau-né, sans y être préparé, j'ai reçu l'ordre d'agir contre les invités, oui, il dit les invités, dans leur pays d'accueil, j'ai réfléchi à la question. Et lorsque j'ai compris la nécessité de le faire, j'ai exécuté ces ordres avec le fanatisme qu'on attend d'un national-socialiste de longue date et d'un homme qu'on avait chargé de faire ce travail. Ce ne sont pas là les mots d'un petit fonctionnaire obéissant. Et ces mots font basculer le procès. Mesdames, messieurs, honorables cours, devant vous se tient le destructeur d'un peuple, un ennemi du genre humain. Il est né homme, mais il a vécu comme un fauve dans la jungle. Il a commis des actes abominables, des actes tels que celui qui les commet ne mérite plus d'être appelé homme. Car il est des actes qui sont au-delà du concevable, qui se situent de l'autre côté de la frontière qui sépare l'homme de l'animal. Et je demande à la Cour de considérer qu'il a agi de son plein gré, avec enthousiasme, ardeur et passion jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous demande de condamner cet homme à la mort. Le verdict tombe le 11 décembre 1961. Adolf Eichmann est reconnu coupable de 4 chefs d'accusation, dont celui de crime contre le peuple juif et celui de crime contre l'humanité. Pas un trait de son visage ne bouge, aucune émotion ne transparaît. Mais si sa culpabilité est établie, reste la question de la peine. Or, l'État hébreu n'applique pas la peine capitale. Certes, la très grande majorité des Israéliens sont favorables à la mort d'Eichmann, mais de nombreux intellectuels juifs se mobilisent contre l'application de cette sentence, y compris pour l'ancien nazi. Correspondant pour l'Express à l'époque, Robert Badinter estime par exemple que la symbolique serait encore plus forte de la victoire de la justice et du droit de l'humanité sur le mal si, à vie, on savait qu'il était là, Eichmann, détenu parmi des hommes enfin libres. Mais l'intéressé ne finira pas sa vie en prison. Le président du tribunal énonce la peine le 14 décembre 61, déclarant « Force est de constater que l'homme qui a participé à des crimes d'une telle ampleur, des années durant, doit subir la peine la plus grave prévue par la loi. Adolf Eichmann est condamné à mort. L'air se fige dans la salle d'audience. Un groupe de survivants de la Shoah adresse alors une pétition au président israélien pour que la peine capitale ne soit pas appliquée. Dans cette lettre, ils expliquent « Nous ne plaidons pas pour sa vie. Nous ne vous demandons pas de lui pardonner. » Nous vous demandons de commuer sa peine pour le bien de notre pays et pour le bien de notre peuple. N'acceptons pas que l'exécution de ce mauvais homme puisse constituer la rançon de 6 millions de morts. Le mauvais homme en question rédige lui aussi une demande de grâce présidentielle, une lettre qui reflète exactement la posture qui était la sienne pendant tout le procès. On doit distinguer les chefs responsables des personnes comme moi qui ont été forcées de servir comme de simples instruments entre leurs mains. Je déclare une fois de plus que je déteste les abominations commises contre les Juifs, qui ont été le plus grand des crimes, et considère qu'il est juste que les auteurs de ces atrocités soient tenus responsables, maintenant et dans l'avenir. Un individu seul ne peut pas racheter l'ensemble des événements politiques dont les atrocités devront être expiées par toute la nation allemande. Je ne peux pas reconnaître le jugement de la Cour comme juste, et je vous demande, Monsieur le Président, que vous exerciez votre droit à accorder une grâce et que vous ordonniez que la peine de mort ne soit pas appliquée. Nous sommes le 31 mai. Il est 20h quand un pasteur canadien entre dans la cellule du prisonnier pour lui apprendre que sa demande de grâce a été refusée. Adolf Eichmann encaisse la nouvelle, silencieusement, inébranlable. Il demande une bouteille de vin rouge qu'il boit à moitié. Le pasteur aimerait l'amener à confesser ses péchés, comme les juges qui voulaient l'amener à reconnaître ses crimes. Mais là encore, Eichmann lui tient tête. À minuit, on lui demande de se lever, et il obtempère. On lui a retiré ses lunettes si caractéristiques. Il n'a plus le même visage. 50 mètres le séparent de la salle d'exécution, une petite pièce d'un peu plus de 15 mètres carrés. Sont présentes 10 personnes, dont le gouverneur des prisons et un médecin légiste. Tous regardent Eichmann. Tous le scrutent, attendent, espèrent l'expression d'un dernier remords. Un remords, enfin. Mais le condamné reste fidèle à l'image qu'il a montrée pendant le procès. Placide, distant. C'est presque surnaturel. Entouré de trois gardiens, il se place sur la trappe qui va s'ouvrir sous ses pieds. Droit, raide, au milieu de la pièce, sous le regard des observateurs, il déclare « Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine, trois pays que j'ai aimés. J'ai obéi aux lois de la guerre et à mon drapeau. Je salue ma femme, ma famille et mes amis. » Il est 23h58 exactement quand l'ordre est donné d'ouvrir la trappe. Eichmann chute d'1m50 et meurt sur le coup. Le médecin constate le décès. Le corps du condamné reste encore une heure au bout de la corde, comme l'exige le règlement. Il est ensuite incinéré. Au petit matin, un bateau de la marine récupère ses cendres pour les disperser dans la mer, au-delà des eaux territoriales d'Israël, loin de lui, loin du mal absolu. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts. Affaire sensible aujourd'hui, le procès d'Adolf Eichmann dont nous parlons avec notre invitée Annette Wiewiórka, historienne, spécialiste de la Shoah, directrice de recherche honoraire au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur des archives. Son ouvrage « Tombeau, autobiographie de ma famille » paru en septembre dernier aux éditions du Seuil a été couronné par le prix Femina Essai. Pourquoi était-ce si important que ce procès se tienne en Israël et pas en Allemagne? Fritz Bauer, qui a tant œuvré pour ça, voulait au départ que des Allemands puissent juger Eichmann. Oui, mais Fritz Bauer était un homme lucide, et il savait qu'à partir du moment où les Allemands auraient été au courant de la présence, enfin pas les Allemands, mais qu'il n'aurait jamais extradé Eichmann, et qu'un procès en Allemagne d'Eichmann était impossible. Israël n'a pas perçu tout de suite, d'ailleurs on l'entend dans les deux parties de votre documentaire, l'importance de ce procès. Mais une fois que Ben Gurion, le Premier ministre israélien, a saisi cette importance, il a vu les enjeux pour la jeunesse, les enjeux politiques pour faire honte au monde de ce qui avait été fait, et les enjeux permettant finalement l'intégration de toutes les populations qui habitaient en Israël. Donc pour Israël, ça a été vraiment un procès vraiment important dans une rare période de l'histoire israélienne, qui était une période calme entre l'expédition de Suez et ce qu'on ne sait pas au moment du procès, bien évidemment, la guerre des six jours de 67. Alors vous avez écrit que ce procès avait fait entrer la Shoah dans l'histoire parce qu'on a entendu la parole des déportés survivants. Il y a quelque chose qui nous interpelle toujours, c'est cette fameuse parole que les déportés n'ont pas rendu public, on voulait pas les entendre, alors que c'était des victimes, ils n'ont aucune culpabilité. C'est toujours difficile alors, à comprendre alors, ça. Alors, je crois que faire entrer la Shoah comme événement séparé dans l'histoire aurait pu se faire autrement qu'avec les témoins. Mmh. L'idée, c'était qu'à Nuremberg, le génocide des Juifs avait été en fait noyé dans l'ensemble de la criminalité nazie, et là on faisait, on l'a entendu dans votre documentaire, le Nuremberg du peuple juif. Oui. La question de la parole des témoins est différente. Par exemple, on a entendu tout à l'heure le témoignage bouleversant de Georges Vélers, le seul français à témoigner, qui raconte l'arrivée des tout petits après de Pithiviers et Bonne-la-Rolande après le Veldiv. Et quand on regarde les films de Lee Hurwitz, il saisit l'interprète qui pleure en traduisant le témoignage de Vélers. Or Vélers, il a écrit un livre qui a été publié aux éditions du Centre en 1946, où il raconte cet épisode. Et tous les témoins choisis pour témoigner au procès Eichmann avaient témoigné avant, soit dans des antennes de collecte de témoignages à Yad Vashem, enfin en Israël, soit alors par des ouvrages. Ils n'avaient pas été entendus. Et je pense que la personne qui a le mieux peut-être formulé ce fait, c'est Simone Veil quand elle dit « Nous voulions parler, on ne voulait pas nous entendre ». Donc, le témoignage, il a, parce qu'il est fait dans une enceinte de justice, parce qu'il est en grande partie rediffusé par Kol Israël, la radio israélienne, parce qu'il y a le filmage vidéo que vous avez évoqué tout à l'heure de Lee Hurwitz, brusquement, il y a une prise de conscience du témoin et la personne que vous avez interviewée, j'ai oublié son nom, l'Israélien D24, il disait que les survivants étaient mal considérés. Ils étaient mal considérés en Israël, on les avait surnommés les savons. Ils étaient mal considérés aux États-Unis, c'était pas si bien considéré que ça en France. On soupçonnait quelque chose, ils avaient fait peut-être quelque chose pas si bien dans les camps ou les ghettos pour avoir survécu. Et en fait, c'est un déni. Et c'est un déni qui, bon, pour Israël, est aussi politique. Rien de la diaspora ne peut servir à la construction de l'État. Ça a été la pensée de Ben-Gourion pendant beaucoup d'années. Et c'est le procès qui rend finalement la dignité aux témoins et qui... Enfin, dans le livre que j'avais écrit, L'ère du témoin, je parle de l'avènement du témoin par le procès Eichmann. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, le témoin est celui qui va dire l'histoire et qui va porter la mémoire. Et quand on regarde le procès du 13 novembre, le procès des attentats, eh bien on s'aperçoit de la même chose, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'importance qui a été donnée aux témoins qui ont occupé beaucoup de temps et dont le témoignage a été très médiatisé par la presse écrite ou par la radio. Enfin, on a beaucoup entendu les témoins du Bataclan et des autres lieux de massacre du 13 novembre. La médiatisation de ce procès Eichmann était donc une bonne décision. Oui, c'était une bonne décision. On a beaucoup dit un procès spectacle, mais on n'a pas le temps de développer. Tous les procès sont des procès spectacle. Mmh. Il y a des jeux de rôle, bien il sûr. Y a des costumes. Il y a une scénographie. Il y a une scénographie. Donc, mais la médiatisation a été une bonne chose. Et alors, surtout, le filmage par un grand documentariste qui était Lee Hurwitz, par un grand documentariste américain, avec une grande liberté de filmage. La seule consigne, vous l'avez rappelé, c'était que les caméras soient invisibles et silencieuses. Mais il y avait quand même 4 caméras. Et les auditeurs peuvent regarder des heures et des heures de ce qui reste, parce qu'une partie a été détruite, mais ils peuvent regarder encore plusieurs dizaines, peut-être même centaines d'heures de ce procès, tout simplement sur YouTube. Et quand on regarde Par exemple, je donnais un seul exemple. Maus, l'auteur de ce chef-d'œuvre de la bande dessinée qu'est Spiegelman, l'auteur de Maus, chef-d'œuvre de la bande dessinée. Il publie il y a quelques années un making of de Maus, et il dit c'est en regardant à la télévision, il est américain, hein, le procès Eichmann, que j'ai commencé à comprendre quelque chose à l'histoire de mes parents. Donc ça a eu des... Cette médiatisation a été une très bonne chose, et vous l'avez rappelé aussi dans le documentaire, c'est vrai que l'actualité a aussi balayé, hein, le push des généraux, le Gagarine dans l'espace, c'est quand même un immense la crise événement. Des missiles à Cuba aussi. Voilà. Ouais. Donc l'actualité a un peu balayé, mais il n'en reste pas moins que les journalistes ont déserté, mais à la place des journalistes, ça a été les Israéliens qui sont venus en masse dans le tribunal ou dans la salle adjacente. Il n'y avait pas la télévision en Israël à l'époque, hein. Ça a été filmé. Oui, pour la télévision, il n'y avait pas de télévision. Ben Gourion pensait que ça habituerait les gens et que ça développerait l'individualisme. Il avait peut-être pas... Tout à fait tort. Tout à fait tort, voilà. Donc la télévision est arrivée au moment de la guerre des six jours. Avez-vous assisté au procès Barbie à Lyon? Non. Bon. Alors, il se trouve que moi, j'y assistais. J'étais journaliste à cette époque. Évidemment, les résonances avec le procès Barbie sont énormes. Oui. C'est-à-dire, quand on a vu Barbie arriver dans sa cage de verre, c'est extrêmement troublant parce que c'est l'incarnation humaine et à la fois inhumaine du mal absolu. Ouais. Donc, ça a dû être la même chose pour Eichmann. À mon avis, la banalité du mal, comme dit Anna Alors, Arendt. La banalité du mal, bon, on n'a pas le temps de non, développer. Il reste une voilà. Mais la grande différence, c'est que Barbie s'absente de son procès assez rapidement. Oui, oui. Alors que Eichmann fait preuve jusqu'au bout. Vous savez, cet homme, il a été enlevé, il a passé un an en cellule, isolé, il est en procès, il se bat avec une pugnacité jusqu'au dernier moment incroyable. C'est-à-dire que il se défend pied à pied, il veut sauver sa tête, il veut aussi probablement un peu sauver sa réputation. Et là, on a une différence fondamentale avec Klaus Barbie, qui lui sera dans le déni jusqu'au bout. Eichmann n'est pas dans le... Enfin, même s'il déguise très largement et s'il atténue son rôle, s'il prétend qu'il n'est qu'un petit rouage, alors c'est un homme qui était, non pas, comme on l'a dit, l'architecte de la solution finale, c'est pas lui qui a pris la décision, mais ça a été des grands organisateurs, voilà, qui faisait preuve d'initiative et qui n'était pas du tout un petit rouage servile au service du nazisme. Anne-Lie Orca, on arrive déjà à la fin de cet entretien, ça passe vraiment très vite. Je rappelle votre livre, donc Anne-Lie Orca, Tombeau, autobiographie de ma famille, c'est au seuil. Merci d'être venu nous voir dans ces conditions si difficiles. Merci. Merci, au revoir. Et Affaires Sensibles, aujourd'hui, le procès d'Adolf Eichmann, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Antoine Teboul.